Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment, à partir de l'Inde, s'est diffusé le bouddhisme en Chine ancienne? Quelles sont les différences contrastées entre l'Inde et la Chine dans la transmission des textes sacrés et dans le rapport à l'écrit et à l'oral, demande la sinologue Han Cheng. Comment la Chine des Han, empire très centralisé et fier de sa civilisation, a pu accepter de se décentrer vers l'Inde et de s'ouvrir à une autre langue totalement différente, une autre culture, pour s'initier au bouddhisme au 1er siècle de notre ère. Nous poursuivons cette semaine le quatrième cycle de la série pluriannuelle intitulée « Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde », série initiée en 2015-2016 par Han Cheng, titulaire de la chaire « Histoire intellectuelle de la Chine ». Ce quatrième cycle s'attache à la diffusion du bouddhisme en Chine sous les Han dès le 1er siècle de notre ère. Si le cours précédent nous a présenté les moines traducteurs étrangers installés longuement en Chine, aujourd'hui nous découvrons ceux qui sont partis en Inde, tel le célèbre Fatshan, pour un voyage périlleux, en quête de textes sacrés, dans une Inde où l'écrit est tenu en suspicion, jugé mortifère, comme va nous l'expliquer Han Cheng. Han Cheng cite de nombreux travaux dans son cours, dont ceux de Charles Malamud, et elle rend hommage à Gérard Fussmann, titulaire de la chaire « Histoire du monde indien » au Collège de France. Celui-ci écrit à propos de son cours sur la progression du bouddhisme dans l'Inde du Nord-Ouest, et je le cite. « Nous ne disposons pas pour l'Inde d'une documentation comparable à celle qui a permis à M. Drej d'étudier le fonctionnement des bibliothèques chinoises, c'est-à-dire de savoir qui les a créées et pour quel public. » L'absence même de documentation est l'indice d'une spécificité du bouddhisme indien et plus généralement de la culture indienne. Alors qu'en Chine, en Grèce ancienne, à Rome, en Inde musulmane, souverains et particuliers étaient fiers de posséder des collections de livres, de construire des bâtiments pour les abriter et parfois d'en permettre l'accès à un public plus ou moins restreint, rien n'indique que particuliers indiens ont eu le même souci. Alors, découvrons aujourd'hui comment nos moines chinois, en quête de textes sacrés indiens écrits, se sont-ils trouvés fort dépourvus, arrivés en Inde. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 20 décembre 2018 pour le cours d'Han Cheng, aujourd'hui, le dire et l'écrire, les différences entre la Chine et l'Inde. Bonjour et bienvenue à tous. Donc, nous avons pu constater que les premières traces matérielles encore visibles d'une possible présence bouddhique en Chine dès le 1er siècle de l'ère chrétienne, telles que les sculptures gravées du Krungwangshan, que ces traces ne sont en réalité que la pointe émergée de l'iceberg, en quelque sorte, et qu'il faut élargir le champ de vision à un horizon très large, en dehors et au-delà de l'espace chinois, un horizon qui inclut en réalité une bonne partie du continent eurasiatique. En effet, les sources historiques et biographiques chinoises attestent de la présence en Chine de personnages identifiés comme étant d'origine étrangère qui se trouvent être associés au tout premier stade de la diffusion de certaines formes du bouddhisme en Chine. Or, on s'aperçoit que ces étrangers sont, pour un certain nombre d'entre eux, installés en territoire chinois, quelquefois depuis une ou plusieurs générations même, et donc déjà passablement acculturé à la civilisation chinoise. Et nous avons vu que ces personnages sont identifiés sommairement par les ethnonymes qui précèdent leur nom personnel. Un ethnonyme, c'est un nom qui indique l'origine ethnique. Et ces ethnonymes sont dérivés des exonymes, c'est-à-dire des noms assignés aux populations étrangères que nous avions rencontrés précédemment, avec cette espèce de division un petit peu artificielle entre les autres tout proches sur la périphérie, qui portent des noms peu flatteurs de rampants, de boucs et autres gracieusetés, et plus loin, donc les autres au-delà des autres, qui eux, au contraire, portent des noms beaucoup plus flatteurs, comme Anxi, vous avez le mot An qui veut dire la paix, qui désigne en gros les Parthes. Vous avez Kangju, par exemple, Kang qui veut dire la santé, la prospérité, qui désigne les Sogdiens. Vous avez aussi Zhu, c'est-à-dire le Tianzhu, qui là comporte l'élément ciel, céleste, et qui correspond en gros en fait au monde indien, ou du moins ce que les Chinois en connaissaient. Et vous avez aussi donc les Zhi ou les Yue Zhi, dont nous avons vu la dernière fois qu'ils correspondent à peu près à l'époque Han, à l'empire Kushan. Et donc nous remarquions la dernière fois que à partir du moine Tao An, au IVe siècle, commence à devenir courante la pratique de nommer les moines bouddhistes, ceux qui font partie de la communauté monastique. On les confond tous uniformément sous le même nom de famille universelle, Shi, qui correspond à Shakyamuni, la translittération chinoise de Sakyamuni, qui est donc le nom du Bouddha. Alors, en particulier sur ces Yuezhi, sur ces Kushan, vous pouvez vous reporter à cet ouvrage de Craig Benjamin, donc un spécialiste américain qui a écrit ce livre qui s'intitule The Yuezhi, Origin, Migration and the Conquest of Northern Bactria, c'est-à-dire donc leur origine, leur migration et la conquête du nord de la Bactriane. Et c'est paru dans une série qui s'appelle les Silk Road Studies, donc les études sur la route de la soie, évidemment, bon, qui fait beaucoup parler d'elle maintenant, publiée chez Brepols en 2007. Et le même Craig Benjamin, tout récemment, a publié cet autre livre qui s'intitule « Empires of Ancient Eurasia, the First Silk Roads Era, 100 BCE to 250 CE. » Donc les empires de l'Eurasie ancienne, l'ère des premières routes de la soie, c'est-à-dire donc de la période qui va de 100 avant notre ère à 250 de notre ère, qui est parue aux presses universitaires de Cambridge, là tout récemment, en 2018. Alors, dans les sources chinoises, tous ces Parthes, Sogdiens, Kushan et autres Indiens sont mentionnés parce que ils font partie justement du premier groupe des traducteurs de textes venant d'Asie centrale et du monde indien. Et je mentionnais très rapidement la dernière fois donc cette compilation qui date des environs de 530 de l'ère chrétienne, donc nous sommes déjà au 6e siècle, qui s'intitule le Kaoseng Zhuan, c'est-à-dire donc les biographies des moines littéralement hauts, élevés, exaltés, éminents, dû au moine Huijiao, qui a vécu entre 497 et 554, et qui consacre la première section de son ouvrage, qui est assez longue, à ceux qui ont Yi Jing, c'est-à-dire ceux qui ont traduit des écritures. Alors, ces écritures, ça peut être des sutras, évidemment, mais aussi beaucoup d'autres formes de littérature. Ça peut porter sur les commentaires ou bien sur la discipline monastique. Et sur la même diapositive, vous avez donc ce portrait tout à fait émouvant de l'un de ses tout premiers traducteurs, qu'on a identifié comme étant d'origine Kushan. C'est pour ça que son nom en translittération chinoise porte le préfixe zhi, hein, comme les yue zhi, zhi lou jia chen, donc dont le nom originel est Lokak Shema, et qui est représenté avec ce profil typiquement non chinois, c'est-à-dire donc toujours, enfin, avec ces traits assez archétypiques, des yeux très très très enfoncés, du nez assez proéminent et la barbe. Donc tout ça, ça vous le marque comme étant d'origine étrangère. Alors là-dessus, j'aimerais évoquer donc le nom d'une très grande spécialiste des toutes premières traductions des textes bouddhiques en chinois, qui s'appelle Jan Natier. C'est une chercheuse américaine qui a fait une grande partie de sa carrière d'enseignante à l'université de l'Indiana, et qui maintenant est plus ou moins à la retraite et qui vit en Thaïlande, donc enfin, dans un milieu bouddhique. Et elle a écrit cet ouvrage d'une très grande importance, mais qui a été publié chez un éditeur relativement confidentiel. L'ouvrage est intitulé A Guide to the Earliest Chinese Buddhist Translations, Texts from the Eastern Han and Three Kingdoms Periods. Donc un guide aux traductions bouddhiques, aux premières traductions bouddhiques en chinois. Et ça couvre donc des textes des Han orientaux, c'est-à-dire des Han postérieurs, en gros donc les deux premiers siècles de l'ère chrétienne, suivis de la période des Trois Royaumes. Donc en fait, cette étude porte en gros sur les premiers siècles de l'ère chrétienne, et c'est paru donc à la Soka University à Tokyo dans la série donc des International Research Institute for Advanced Buddhology. Alors donc il s'agit d'un institut international de recherche avancée sur la bouddhologie, hein, puisque la bouddhologie, c'est la science donc des études bouddhiques, et c'est paru en 2008. Alors dans cet ouvrage, Jan Natier rappelle que dès l'origine, en réalité, la parole et l'enseignement du Bouddha sont à resituer dans un contexte de polyglossie, c'est-à-dire nous sommes vraiment dans des langues extrêmement multiples et diverses, et dans un contexte de transposition dans tous les sens d'une langue à l'autre. Donc on nous a beaucoup seriné que les textes bouddhiques sont censés avoir été traduits du sanskrit, et là on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que même très souvent c'est une contre-vérité. Alors Jan Natier présente, du moins à mes yeux, le très grand mérite de poser clairement la question et d'essayer d'y répondre, cette question qui est véritablement la question centrale à mon propos, celle de savoir comment il se fait que la Chine des Han, qui est pourtant, comme nous l'avons vu, déjà constituée en empire fortement centralisé et en centralité fortement civilisatrice, comment cette Chine des Han a pu s'intéresser au point d'accepter de se décentrer carrément, comment elle a pu s'intéresser à des formes de pensée aussi autres, avec des cadres intellectuels, culturels, linguistiques aussi différents que celles qui lui sont parvenues d'Asie centrale et du monde indien dans les premiers siècles de notre ère. Hein, parce que franchement, c'est pas du tout... on se demande comment les Chinois ont pu se jeter sur cette nouvelle forme de pensée véhiculée dans des langues totalement différentes du système linguistique chinois et aussi dans des écritures très très différentes de l'écriture chinoise. Alors, c'est ainsi que Jan Natier vous met en pièce la Vulgate communément répandue selon laquelle donc la parole du Bouddha se serait trouvée recueillie dans des textes on nous dit alors d'abord en pali et puis ensuite en sanskrit. Alors elle nous explique que en fait le Bouddha, comme c'est bien connu, est né au Magadha, c'est donc cette zone que vous voyez en bleu sur la diapositive, qui se trouve donc au nord-est de l'Inde actuelle, et donc au pied de l'Himalaya, c'est-à-dire donc au fond, au sud du Népal. Et le Bouddha, par conséquent, s'exprimait le plus probablement en Magadhi ancien. Hein, vous avez actuellement en Inde, dans cette région, encore une langue qui s'appelle le Magadhi, mais évidemment, bon, qui doit être assez différente de ce que parlait le Bouddha. Selon toute vraisemblance, l'enseignement du Bouddha n'a pas été même consigné par écrit, en fait. Elle dit qu'en réalité, il y a tout simplement pas, en fait, de texte qui consigne la parole directe du Bouddha. Hein, mais que cet enseignement s'est transmis oralement, comme c'était la règle dans la tradition brahmanique de l'Inde védique. Et à ce propos, je voulais faire référence aux travaux très, très importants et en même temps enfin, d'une très grande beauté de Charles Malamud, qui est un très grand monsieur de l'indianisme français et qui dit des choses qui me paraissent vraiment d'une importance capitale sur le rapport entre l'oral et l'écrit dans l'Inde ancienne, hein, d'une importance capitale justement pour notre propos. Alors, je voudrais citer un important article qu'il a intitulé « Noirceur de l'écriture », qui est d'abord paru dans un volume collectif auquel j'ai eu l'honneur de participer, qui s'intitule « Paroles à dire, paroles à écrire, Inde, Chine, Japon ». Donc là, vous voyez ça correspond tout à fait donc à notre propos. Il s'agit d'un volume collectif dirigé par la regrettée Viviane Alton, qui a été une très grande linguiste, spécialiste de linguistique chinoise, et qui a fait paraître ce volume aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales en 1997. Et c'est l'un des résultats d'un séminaire que j'ai suivi quand j'étais étudiante et qui m'a donné l'occasion justement d'être au contact de ces très grands savants que sont Charles Malamud, Viviane Alton qui est décédée récemment et Jacqueline Pigeot qui est une très grande japonologue. Et ces trois sommités ont eu la magnifique idée d'organiser un séminaire mensuel axé justement sur ces trois grandes aires culturelles, Inde, Chine, Japon. Chaque année, donc, le séminaire portait sur une question ou un thème particulier, et donc ça a donné lieu à un certain nombre de publications. Et l'article de Charles Malamud, Noirceur de l'écriture, a été repris dans un recueil de ses textes qui s'intitule « Le jumeau solaire », paru aux éditions du Seuil en 2002. Alors, je vais le citer assez longuement parce que c'est vraiment, comme vous verrez, quelque chose d'important et vraiment de magnifiquement écrit. Alors, Charles Malamuth, dans cet article, commence par noter ce qu'il appelle une tendance générale de la civilisation indienne et plus précisément brahmanique, qui est donc la suivante. Et il nous dit que cette tendance est que ce qui touche à l'écriture est tenu en suspicion, redouté et même méprisé. L'enseignement des vérités fondamentales est oral. Bon, alors là, voyez, enfin, imaginez l'étudiante que j'étais, entendant ça, venant donc d'un contexte chinois, évidemment. Là, on peut difficilement dire quelque chose qui est plus exotique. L'autre chose qui m'a beaucoup frappée dans les propos de Charles Malamuth, c'est quand on l'interrogeait sur la datation de tel ou tel texte. Et il disait, bah, écoutez, là, enfin, on ne sait pas trop, ça peut être même des textes très très importants et même de dates relativement tardives, ça peut se situer en gros entre le 1er et le 5e siècle de l'ère chrétienne ou bien entre le 10e et le 15e siècle. Alors que il est bien connu que les Chinois sont des maniaques hein, de la datation, des archives, enfin, de la consignation par écrit. Et Charles Malamuth continue en nous donnant la description que donne Kalidasa, donc un auteur donc de l'Inde ancienne, qui décrit l'éducation idéale des princes de la lignée dite solaire. Et ce Kalidasa nous présente le prince Raghu, je cite, entouré des fils des ministres de son père, des garçons du même âge que lui, il a pris ses lettres comme il convenait et put ainsi pénétrer comme par l'embouchure d'un fleuve dans l'océan de la parole. Alors là, vous voyez, enfin, c'est la très grande beauté de ces textes brahmaniques. Et Charles Malamuth commente en disant « Le savoir, c'est avant tout la parole sonore, watch. Et l'écrit ne donne accès au savoir que s'il conduit à la connaissance des sons. De même, lisons-nous que le jeune prince, je cite, à peine eut-il achevé d'apprendre l'écriture, les signes syllabiques fixés sur une tablette, qu'il put jouir de tous les fruits de l'art d'administrer la justice, fruit qu'il obtint en fréquentant des hommes vieillis dans le savoir acquis par audition, shruta. » Je dois dire que qu'en fréquentant Charles Malamuth, qui est devenu entre-temps un très grand ami, c'est vraiment un privilège insigne pour moi, l'un des premiers mots que je lui ai entendu prononcer, c'est précisément ce mot de shruta qui veut dire l'audition. Et il continue en disant « En tant que technique manuelle, l'écriture n'est pas le fort des brahmanes. Il y a des spécialistes pour cela. Il y a des scribes hein, qui font ce sale travail. Les brahmanes, eux, reconnaissent sans gêne et même avec un certain orgueil leur maladresse en ce domaine. En revanche, ce qui est de leur compétence exclusive, c'est le savoir qui compte vraiment. » Et tout d'abord, le texte révélé et sacré, la shruti, c'est-à-dire le texte qu'on entend, c'est-à-dire le Veda comme audition, qu'ils connaissent pour l'avoir appris par cœur, à force de l'entendre et de le répéter. Et le meilleur brahman est celui qui peut se targuer d'être un shrutiya, un savant, c'est-à-dire particulièrement versé dans la masse des séquences sonores qui forment le savoir authentique. Donc Charles Malamuth continue en disant que l'écriture, permettez-moi l'expression, c'est pas l'expression de Charles Malamuth, mais c'est la mienne, pour bien montrer que c'est quelque chose, c'est une basse besogne, c'est le boulot d'une caste qui s'appelle donc les Kayasta, qui, eux, justement, font un petit peu concurrence aux brahmanes, hein, tout en étant d'une caste inférieure, et qui manient donc des instruments, par exemple la pointe du kalam, qui est assimilée à quelque chose qui griffe. Autrement dit, c'est un instrument agressif, et qui s'utilise avec justement la noirceur de l'encre, d'où le titre de l'article de Charles Malamud, la noirceur de l'écriture. Et cet instrument, le kalam ou le roseau, c'est un instrument qui évoque simultanément donc le kalam du scribe et symboliquement le bâton de Yama, qui est le dieu de la mort et le maître des enfers. C'est lui qui contrôle donc les enfers. Et donc nous avons ici cette connexion très forte entre le pouvoir de la mort et l'acte d'écrire. Alors, ceci pourrait éventuellement nous rappeler ce passage du Zhuangzi. On peut rechercher dans la tradition chinoise si nous avons quelque chose d'un petit peu équivalent. Alors, il y a ce passage du chapitre 13 du Zhuangzi, dont je vous lis simplement la traduction, qui évoque l'écrit comme de la matière morte. Alors, voici ce que dit le Zhuangzi chapitre 13. « Un jour que le duc Huan est occupé à lire dans la salle et le charron Pien a taillé une roue au bas des marches, ce dernier, c'est-à-dire le charron, pose son ciseau et son maillet, monte les marches. » Alors là, vous voyez un peu la scène, donc le seigneur en haut des marches de la salle principale de son palais. Hein. En bas, vous avez l'artisan qui travaille à tailler une roue. Et alors cet artisan, non seulement a le culot de monter les marches, mais en plus de lui demander, puis-je vous demander de quoi parle ce que vous lisez ? Alors déjà, voyez le geste vraiment peu rituel, l'artisan, le manuel, qui monte les marches, rejoint le seigneur, regarde par-dessus son épaule ce qu'il est en train de lire. Hein. Alors, la réponse du duc, c'est « ce sont les paroles des sages hein, ». Donc, le duc ne perd pas son temps à lire de la bande dessinée, il lit les paroles des sages. Alors, le charron lui demande « mais ces sages sont-ils en vie ?» Alors, le duc répond « non, ils sont morts depuis longtemps. » Alors, conclut le charron, ce que vous lisez là n'est que le déchet des anciens. Pour ne pas dire déjection ou même pire. Et le duc Juan de s'écrier « ce que je lis, comment un charron oserait-il en discuter ? Si tu sais te justifier, soit, sinon tu meurs, tu mourras. » Et le charron Pien lui répond « Votre serviteur voit les choses à partir de son humble expérience. Pour tailler une roue, un coup qui part trop doucement ne mord pas. S'il part trop fort, il se coince dans le bois. Ni trop fort, ni trop doux, j'ai le coup dans la main et la sensation dans l'esprit. Il y a là-dedans un tour qui ne peut se dire par des mots. Je n'ai pu l'enseigner à mon fils, pas plus qu'il n'a pu l'apprendre de moi, de sorte qu'à 70 ans, me voilà encore à tailler des roues. Les anciens ont emmené dans la mort tout ce qu'ils n'ont pas pu transmettre. Ainsi donc, ce que vous lisez là n'est que le déchet des anciens. » Donc ici, vous avez l'opposition de la chose écrite que lit pompeusement le seigneur, l'artisan se gêne pas pour lui dire ce que vous lisez là, c'est que de la déjection au fond, bon, c'est de la matière morte, alors que la chose vivante, c'est le savoir de la main qui se transmet directement à l'esprit. Donc là, vous reconnaissez ici toute la thématique bien connu du Zhuangzi, qui s'appuie beaucoup sur ces anecdotes concernant des artisans. Vous avez l'autre anecdote très connue donc du du boucher, hein, qui découpe son bœuf, hein, et qui dit au début, hein, je vois la bête avec mon hachoir, hein, bon, et à la fin, tout ça se termine dans un flux continu de l'esprit. Hein. Donc là, vous avez cette thématique tout à fait typique du Zhuangzi, hein. Mais j'ai quand même voulu vous la rappeler parce que il y a cette idée aussi que l'écrit c'est quelque chose de mort, hein, mais dans le contexte de l'Inde brahmanique, on va plus loin, hein, c'est-à-dire on ne dit pas simplement que l'écrit c'est de la matière morte, on dit que l'écriture c'est quelque chose de mortifère, hein, ça a quelque chose à voir avec Yama, avec la mort. Donc Charles Malamud, je reviens à son texte, nous dit ceci: dans l'Inde hindoue, l'écriture est avant tout une technique de transcription, technique remarquablement élaborée et efficace, dont l'excellence consiste à être au service de la parole orale et donc à lui être subordonnée. Et ceci explique que on peut être très savant dans l'Inde hindoue et de nos jours encore, tout en étant illettré. Il y a quelques jours encore, Charles Malamud me confirmait ceci, que lorsqu'il lui-même était étudiant en sanskrit auprès de pandites indiens à Pune, il m'a dit que certains d'entre eux sont capables de vous réciter mais des kilomètres et des kilomètres de textes, de mémoire, hein, mais qu'en fait, ils sont illettrés. Et non seulement ça ne les gêne pas, mais en plus, ils s'en vantent. Enfin, remettez ça en contexte chinois, hein, et vous voyez un petit peu le contraste. Je termine enfin, la citation très longue de cet article, que évidemment je n'ai pas lu en entier, mais Charles Malamud nous dit ceci: l'écriture, la ligne d'écriture devient la métaphore des limites infranchissables fixées par le destin, le temps ou la mort. Nul homme n'est assez habile pour franchir la ligne, l'ek, écrite ou tracée par le destin. Niyatilikita. Ce qui effraie dans l'écriture, ce n'est pas qu'elle soit lettre morte, hein, comme dirait Zhuangzi, c'est qu'elle soit mortifère, hein, comme si la ligne d'écriture était par nature un deadline. Donc là, notre Charles Malamud fait de l'humour. Hein, donc vous savez qu'en anglais, deadline, c'est ce que nous redoutons, nous autres, les universitaires, quand on nous assigne un deadline pour la soumission d'un article. Alors le deadline, c'est la date butoir, c'est l'échéance, vous voyez. Enfin, donc vous êtes dans le vocabulaire justement, enfin de la comptabilité. Hein, donc le deadline, c'est véritablement cela. Et dans un autre article que je ne vais pas vous citer en entier parce que nous commençons à manquer de temps, dû à un sanskritiste belge, Jean-Marie Verpoorten, donc de l'université de Liège, que vous voyez sur la diapositive, publié dans un volume qui s'intitule « Les scribes et la transmission du savoir », et qui est publié dans la série Acta Orientalia Belgica, donc les actes de l'orientalisme belge, publié à Bruxelles en 2006. Dans cet article que Verpoorten intitule de manière très significative « Le scribe en Inde, une fonction subalterne », il nous cite un exemple justement de ce contraste, enfin de ce choc des civilisations en quelque sorte entre l'Inde et la Chine. Il nous dit ceci: illustrons d'un exemple la prodigieuse mémoire de certains Indiens qui étonnait tant les Chinois. En 410 de notre ère, un moine cachemirien nommé Dharmayasas se vanta de savoir par cœur les règlements monastiques de la secte bouddhique des Dharmaguptaka et proposa à l'empereur de Chine de les traduire de tête en chinois. C'est quand même un texte qui fait plusieurs volumes. Alors, l'histoire raconte que l'empereur Yaoxing de Qin voulut tester ses capacités en lui donnant 3 jours pour apprendre par cœur 50 000 caractères chinois relatifs à des recettes médicinales. Dharmayasas y parvint, ne commettant aucune erreur, même dans les poids des ingrédients et dans leur numéro d'ordre. Bon, alors, donc maintenant, arrêtez de vous plaindre quand vous apprenez le chinois qu'il y a trop de caractères, quand on vous force à en ingurgiter 10 par jour. Là, ce monsieur cachemirien, il en a ingurgité 50 000 en 3 jours. Là vous avez cette petite anecdote qui vous montre justement cette sidération des Chinois devant cette mémoire orale. Même si il faut quand même justement le préciser, en Chine il y a également une forme de transmission orale des textes et du savoir. Alors, pour terminer, j'aimerais évoquer ici aussi les cours du professeur Gérard Fussmann, qui a occupé la chaire d'histoire du monde indien, ici même au Collège de France, entre 1985 et 2011, et dont j'ai déjà signalé les travaux et les cours qu'il a donné sur les Kushan, sur cette population que les Chinois appellent les Yuezhi. Et ici, j'aimerais faire référence plus spécifiquement au cours qu'il a donné dans l'année 2003-2004, dont vous trouverez donc le résumé sur le site du Collège de France, comme c'est l'habitude pour tous les professeurs, donc ils donnent chaque année un résumé de leur cours dans l'annuaire du Collège de France. Alors, dans ce cours, le professeur Fussmann expliquait les différentes raisons pour lesquelles les célèbres moines bouddhistes chinois qui ont fait le voyage jusqu'en Inde pour rechercher des textes, pourquoi ils ont eu autant de difficultés à en trouver, à trouver des textes. Alors, on fait référence à ces fameux moines comme Fa Xian, dont nous avons déjà parlé l'année dernière. Vous avez ici la très belle traduction par Jean-Pierre Drège de son mémoire sur les pays bouddhiques, qui est précisément un récit de ses pérégrinations en Inde, donc le Fo Guoqi. Alors, vous voyez ici le tracé de ces pérégrinations. Vous voyez que à l'époque, tout se faisait à pied, naturellement. Donc, ça lui a pris quand même pas mal d'années. En gros, entre 399 et 414, Fa Xian lui-même ayant vécu entre 337 et 422. Et bien sûr, l'autre grand nom qui vient à l'esprit, c'est Xuanzang, qui a fait un voyage à peu près similaire des siècles plus tard, au 7e siècle, entre 629 et 645, Xuanzang lui-même ayant vécu entre 602 et 664. Alors donc là, vous avez les deux grands noms de moines qui ont éprouver le besoin de faire tout ce long voyage extrêmement périlleux, vraiment au péril de leur vie, pour aller chercher des textes et qui, en arrivant sur place, se sont rendus compte que c'était d'une difficulté extrême de trouver des textes écrits. Alors, Gérard Fussmann nous rappelle que ces pèlerins chinois en quête de textes n'en trouvèrent pas dans les monastères du nord de l'Inde. et qu'il a fallu qu'ils aillent pratiquement jusqu'au Sri Lanka pour trouver enfin des textes assez substantiels. Et là, je rappellerai justement en fait la quête de Fa Xian, qui, nous le disions l'année dernière, vous avez ici sur la diapositive le tout début de son récit, le tout début du Fo Guoji, où il est dit qu'il part avec quelques compagnons au Tianzhu, c'est l'expression que j'ai surlignée en jaune ici, pour Xunqiu Jielu, c'est-à-dire pour se mettre à la recherche de textes sur la règle monastique, la discipline monastique. Rapide rappel de ce que nous disions à propos de Fa Xian l'année dernière. Donc, dans le courant de ce récit, il y a cette phrase qui nous a beaucoup intrigués, où il arrive donc dans le Zhongtianzhu, c'est-à-dire donc la zone centrale de ce monde indien du Nord, qu'il appelle Zhongguo, le pays du milieu. Et il dit que la façon de s'habiller, de se nourrir, est identique à celle de Zhongguo. Alors bon, naturellement, là, on se demande vraiment en fait s'il avait pas en tête justement en fait le Zhongguo comme étant la Chine. Et nous avions vu justement toutes ces références où Fa Xian se nomme lui-même, se présente lui-même comme venant soit de la terre de Qin, qu'il appelle Bianti, c'est-à-dire donc une zone périphérique, une zone marginale, ou bien il dit qu'il vient de la terre des Han, là aussi considéré comme Bianti, comme une zone marginale. Et donc nous en étions arrivés justement à diagnostiquer ce que Antonino Forte, ce bouddhologue italien dont je parlais la semaine dernière, appelait donc le borderland complex, c'est-à-dire le complexe de la périphérie. Et je voulais vous montrer aujourd'hui assez rapidement justement toutes les occurrences dans le texte du Fo Guoji où Fa Xian en quelque sorte se casse les dents parce qu'il n'arrive pas à trouver de texte. Alors vous avez par exemple celui-ci où on nous dit, je vous traduis rapidement, du royaume de Varanasi, c'est-à-dire Bénarès, nous sommes au bord du Gange, Fa Xian alla vers l'est et retourna à la ville de Palienfu, c'est la transcription chinoise pour Pataliputra, qui est la capitale actuelle de l'état du Bihar, Patna. Alors, à l'origine, Fa Xian était, et ça c'est la phrase que j'ai surlignée en rouge, Fa Xian était à la recherche des textes concernant les préceptes et la discipline, c'est effectivement ce qu'il dit au tout début de son récit, mais dans les royaumes de l'Inde du Nord, ces textes se transmettaient oralement de maître à maître et il n'y avait pas d'exemplaires qu'on puisse copier. Et du coup, Fa Xian est obligé de continuer sa quête. Il va jusqu'en Inde centrale, où là, il trouve quelques textes. Et là aussi, on nous dit qu'il se heurte chaque fois à ce problème que ces textes se transmettaient. C'est-à-dire que ces textes se transmettaient de maître à maître par oral, crow, c'est la bouche, et qu'ils n'étaient pas consignés donc par écrit. Donc partout, là je vais peut-être arrêter là donc les références, mais partout Fa Xian se heurte à ce problème, et ce qui fait qu'à la fin, il se résout Fa Xian, 注此三年, 学, Fan Shu, Fan Yu, Xie Lu. Donc, il se décide à rester sur place pendant plusieurs années, pendant 3 ans, pour apprendre carrément donc Fan Shu. Ce sont les écritures. Fan, ça désigne tout ce qui vient d'Asie centrale et du monde indien. Fan Yu, il apprend aussi les langues indiennes et il passe son temps aussi à recopier tous les quelques textes qu'il a pu trouver. Alors, ça nous permet justement de, comment dire, conclure avec Gérard Fussmann que ces difficultés rencontrées par Fa Xian et Xuanzang, je cite Gérard Fussmann, si elles furent réelles, s'expliquent non par le manque de livres, mais par le privilège traditionnellement donné en Inde à la parole sur le livre. Et on peut aussi imaginer que ces acharyas indiens, c'est-à-dire ces maîtres indiens, ne prenaient pas très au sérieux des moines étrangers, c'est-à-dire chinois, sachant à peine la langue du pays et fort peu de sanskrit. Pourquoi leur aurait-il prêté ou donné des manuscrits précieux avant que ces étrangers n'en aient appris assez pour les comprendre ? Le fait que le texte doive toujours être enseigné par le maître explique aussi qu'apparemment il n'y ait pas eu dans les bazars des boutiques vendant des livres bouddhiques. Alors là, par exemple, si vous regardez ce qui se passe en Chine, vous avez par exemple des auteurs, des Han, hein, comme un auteur très, très connu comme Wang Chong, dont on sait que lui n'avait pas les moyens justement de se payer des... on pourrait dire des éditions de luxe, et faisait les marchés pour acheter en fait des manuscrits d'occasion en quelque sorte. Hein. Bon, ben là en fait en Inde il n'y a pas. Enfin, hein, parce que si ces bazars avaient existé, enfin si ces ventes de livres dans les bazars avaient existé, Fa Xian et Xuanzang n'auraient eu aucun mal à y trouver les textes qu'ils cherchaient. D'autant que Fa Xian cherchait des textes canoniques, ceux qui logiquement devraient être les plus faciles à trouver. À les lire, on croirait bien qu'aucun monastère indien ne possédait de canon complet. Et de fait, nous reprendrons cela plus tard, mais de fait, l'idée que les moines possédaient le savoir et les manuscrits du Tripitaka complet, c'est-à-dire des trois corbeilles du canon bouddhique, c'est une idée totalement fausse. Jan Nathieu, cette sinologue américaine, dont je citais la dernière fois l'important ouvrage de 2008 qui s'intitule A Guide to the Earliest Chinese Buddhist Translations, un guide aux premières traductions chinoises bouddhiques, dit ceci dans un chapitre introductif. En tant que traduction, les textes qui nous concernent sont fondés sur des sources littéraires produites en dehors de Chine, sources qui étaient étrangères à leurs destinataires d'Asie orientale d'un certain nombre de manières. Elles étaient étrangères du point de vue linguistique, bien sûr, puisqu'elles étaient composées dans une langue non chinoise, ou plutôt des langues non chinoises, dont la grammaire indo-européenne et le répertoire phonologique étaient radicalement différents du chinois. Elles étaient également étrangères d'un point de vue religieux. On ne compte plus les études qui ont examiné le fossé entre les compréhensions chinoises et indiennes de tout, de la nature de la réalité ultime jusqu'aux vertus à cultiver dans la vie de tous les jours. Mais ces écritures venues d'ailleurs étaient également étrangères en termes culturels, des éléments comme la hiérarchie sociale, les coutumes concernant le mariage et la famille, et même les variétés de nourriture et de breuvage différaient tous de ceux qui étaient connus en Chine. Donc, il me semble que Jan Natcher a toutes les raisons de souligner les différences radicales qu'il y a entre les univers civilisationnels que sont le monde indien et le monde chinois, que tout semble séparé, à commencer par le rôle diamétralement opposé assigné à l'oral et à l'écrit dans ces deux mondes. Or, comme le souligne Gérard Fussmann, et je le cite, l'enseignement originel du Bouddha était oral, antérieur d'au moins 100 ans à l'utilisation de l'écriture en Inde gangétique, il ne fut pas fixé par écrit avant le 1er siècle avant notre ère. Alors, quand on sait que le Bouddha a vécu au 6e, 5e siècle, ça laisse quand même une marge assez longue. Les différences entre les différentes recensions des textes tiennent à la fois à cette longue, environ 3 siècles, période de transmission orale, et au fait que même une fois consignés par écrit, les textes furent rarement transmis ne varietur. L'enseignement du Bouddha fut dès l'origine mal mémorisé. Alors ça, c'est je pense, le propre enfin, de tous les enseignements des grands maîtres de spiritualité, que vous preniez donc le Bouddha en l'occurrence, ou Confucius, que vous preniez Socrate, que vous preniez le Christ, on peut dire que l'enseignement a été dès l'origine mal mémorisé. La multiplicité des variations dialectales que les philologues repèrent dans les textes jugés les plus anciens, le fait que le sens littéral de certaines expressions techniques du Vinaya, donc cette discipline monastique qui intéressait particulièrement Fashien, donc très tôt ne fut plus compris, montre que chacun répétait les paroles du maître dans son propre langage, ou peut-être plutôt et aussi que dans ses pérégrinations, le maître utilisait dans ses discours une langue à chaque fois légèrement différente, proche du dialecte local. Parce que pour ses maîtres, l'important c'était de se faire comprendre. Par conséquent, quand ses maîtres se déplaçaient d'une région à l'autre, il s'astreignait en fait à essayer de parler donc le dialecte local pour être sûr d'être compris. L'analyse textuelle des textes montre que selon les recensions, l'ordre des épisodes et pour les textes versifiés celui des vers varie parfois considérablement, ce qui plaide contre l'idée d'une fixation ancienne. La mémorisation des textes védiques avait doté l'Inde de techniques de mémorisation que les bouddhistes ont utilisé. Comme dans les écoles védiques, les individus se spécialisaient, donc soit dans les sutradhar et ou dans le vinayadhar, c'est-à-dire on se spécialisait soit dans la mémorisation des sutras, c'est-à-dire donc les textes sacrés, ou dans la mémorisation des textes concernant la discipline monastique, et les élèves entretenaient avec leur maître une relation très étroite. L'apprentissage était d'abord une mémorisation utilisant des techniques croisées. Alors on récitait dans l'ordre inverse, etc. La forme des textes, en particulier l'utilisation de formes récurrentes, était faite pour favoriser la mémorisation. Mais la forme, et en particulier la forme linguistique des discours du Bouddha, ne fut jamais sacralisée. La parole du Bouddha n'était pas utilisée comme mantra, c'est-à-dire invalide si prononcé fautivement. Le sens comptait plus que la forme, ce qui explique les très nombreuses variantes textuelles que révèle la comparaison des diverses versions des textes dits canoniques. La transmission orale signifie que, comme dans la tradition védique, fort peu de moines pouvaient maîtriser la totalité des paroles attribuées au Bouddha. Il fallait en effet que le maître d'abord les prononce et les fasse répéter jusqu'à ce que l'élève ait mémorisé la leçon, alors seulement expliquée. Même des prodiges sont censés mettre des mois à réciter un texte. Oui, enfin, on le conçoit assez aisément, hein, quand on voit la longueur des textes en question. Hein. Or, si les brahmanes commençaient très tôt, dès l'âge de 7 ans, l'apprentissage du Veda, l'instruction des moines, en théorie, débutait seulement lorsqu'ils avaient pris la première ordination, c'est-à-dire normalement vers 15 ans. Et là, Gérard Fussmann ajoute entre parenthèses, en fait, il y avait des shramaneras plus jeunes, des shramaneras, c'est-à-dire des moines ordonnés. Fort peu de maîtres connaissaient donc la totalité des trois corbeilles. Donc, je rappelle, le Tripitaka, c'est d'abord le Vinaya, cette discipline monastique. Ensuite, vous avez les sutras, c'est-à-dire les textes sacrés attribués donc à la parole du Bouddha. Et la troisième corbeille, c'est l'Abhidharma, c'est-à-dire donc l'ensemble des commentaires. Alors, ce qui compte, en fait, poursuit Gérard Fussmann, plus que la lettre, l'intégrité et l'intégralité des textes, c'est l'esprit de l'enseignement du Bouddha. C'est ainsi que les premiers bouddhistes à être allés en Chine n'ont pas cherché à y introduire le canon, ni même des textes canoniques, mais des manuels d'enseignement ou des textes faciles à comprendre et mémoriser. Et les sutras, alors là, Gérard Fussmann ajoute une information d'importance, c'est que, en fait, l'introduction du Mahayana, c'est-à-dire le bouddhisme du grand véhicule, celui qui s'ouvre donc sur le monde, beaucoup plus que le Hinayana, qui est le petit véhicule et qui propose une voie beaucoup plus restreinte. Donc les sutras du Mahayana, c'est-à-dire ceux qui ont été le plus retenus en Chine, introduisent en fait une nouvelle manière de considérer les textes. Pour la première fois, on voit apparaître la recommandation de les écrire et de les faire écrire, ce qui a considérablement contribué au développement des bibliothèques monastiques. Et Gregory Chopin, qui est un bouddhologue américain et que Gérard Fussmann a invité à faire une conférence au Collège de France, a ainsi pu parler d'un véritable culte du livre tout à fait étranger au Hinayana, donc au bouddhisme du petit véhicule plus ancien. La copie du sutra n'est pas considérée comme une aide à la compréhension du texte et à sa diffusion. Donc, fin de cette longue citation de Gérard Fussmann, mais qui, me semble-t-il, nous permet de bien contextualiser les choses. Alors, vous voyez que ces tensions entre pratique orale et écrite se retrouvent dans ce que j'ai appelé le grand saut de la traduction, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, commence dans le saut de l'oral à l'écrit et se poursuit seulement dans un second temps dans le saut d'une langue à une autre, ou en l'occurrence de différentes langues au pluriel à une autre langue qu'est le chinois. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter Anne Chang, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme. Aujourd'hui, le dire et l'écrire, les différences entre la Chine et l'Inde. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Anne Chang. Réalisation, Émilie Valla. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête en compagnie d'Anne Chang sur l'universalité en Asie. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de France Culture.